بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة نواصل اليوم القراءة والتعليق في كتاب الزكاة من عملة الأحكام Aujourd'hui, on continue inshallah ta'ala la lecture et le commentaire de Umdat al-Ahkam, le chapitre de la Zakat. Waqad wasalna ila al-hadith al-thani. On est arrivé au deuxième hadith qu'a cité l'auteur rahimahullah. Il nous dit an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ليس في مدون خمس أواق صدقة ولا في مدون خمس ذود صدقة ولا في مدون خمسة أوسق صدقة. Et donc l'auteur nous dit rahimahullah, selon Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas d'aumône pour tout ce qui est en dessous de 5 awaq. Awaq, c'est le pluriel de awqiya. Donc en dessous de 5 awqiya, il n'y a pas d'aumône. Une awqiya, qu'est-ce que c'est? Une awqiya représente 40 dirhams. Al-Uqiya représente 40 dirhams. Et donc, en dessous de 5 fois 40 dirhams, il n'y a pas d'aumône. 5 fois 40 dirhams, ça nous fait combien? 200. Et donc, ça nous fait 200 dirhams. En dessous de 200 dirhams, il n'y a pas d'aumône. On continue la traduction. Et en dessous de 5 chameaux, il n'y a pas d'aumône. Donc là, on est passé à l'aumône concernant les chameaux. En dessous de 5, il n'y en a pas. Et en dessous de 5 aousouk, el-aousouk, c'est le pluriel de wasp. El-wasp, ça représente 60 sa'a. Donc, on a les deux mains pleines, ça s'appelle un moud. D'accord? On a les deux mains pleines comme cela. Et donc le sort représente 4 fois cela. Ok? Juste pour que vous ayez la représentation du sort. Ici, on a dit que la valeur qui est citée ici, c'est 60 sorts. Une valeur qui équivaut à 60 sorts. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a pas de zakat, il n'y a pas d'aumône en dessous de 5 fois 60 sa'a. Ça nous fait combien? 300. 300, naam. Donc, ici, on a vu plusieurs formes de zakat. On a vu une zakat concernant l'argent, ou du moins concernant naam, concernant l'argent, une zakat concernant donc un type d'animal, et une zakat concernant donc ce qu'on appelle tout ce qu'on peut prendre dans un sort. C'est là qu'on va voir par la suite, inshallah ta'ala, l'aumône liée au grain. On verra cette aumône par la suite, inshallah ta'ala. Et donc on revient à l'aumône, la première qui a été citée dans ce hadith. La première qui a été citée dans ce hadith est liée à Ad-Dirham. Ad-Dirham, c'est de l'argent ou de l'or? Ad-Dirham, c'est de l'argent. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a cité le nisab, donc la somme ou la valeur imposable de l'argent. Et ici, je ne parle pas de l'argent avec lequel tu payes tes affaires. Je parle de l'argent, le métal. La valeur imposable du métal qu'on appelle argent. Ensuite, il y a bien sûr, il y a la valeur imposable du métal qu'on va appeler or. La valeur imposable du métal qu'on va appeler or. Et donc, tout d'abord, concernant l'argent, donc il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que cette valeur représente 200 dirhams. Donc, selon la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que cette valeur représente 200 dirhams. 200 dirhams, les savants nous disent, ça fait 595 grammes. 595 grammes. Ce qui veut dire que si tu as 595 grammes d'argent et que ceci est resté avec toi pendant un an, alors à partir de là, il t'est obligatoire de payer la zakat, de sortir la zakat. Donc ça, c'est concernant l'argent. Ensuite, on passe à l'aumône liée à l'or. L'aumône liée à l'or, les savants, ils nous disent que celle-ci représente 85 grammes d'or. Et donc, si une personne a 85 grammes d'or, cette personne doit s'acquitter de l'aumône. Donc là, ici, on a la zakat. Restez concentrés. Ici, on a la zakat, ou du moins un nisab, la valeur imposable concernant l'or et l'argent. Concernant l'or, 85 grammes. Concernant l'argent, 595 grammes. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que l'argent qu'on possède aujourd'hui, et là je ne parle plus du métal, je parle des billets, des pièces de monnaie, ou l'argent qu'on a sur notre compte en banque, est-ce que ceci rentre dans la zakat aussi? Oui. Pourquoi? Parce que avant, les gens utilisaient l'or et l'argent pour payer, pour acheter leurs affaires, pour acheter leurs biens. Avant, les gens utilisaient l'or et l'argent pour acheter leurs biens. Et dinar ou dirham. Ensuite, cela a changé. Et aujourd'hui, on utilise donc ce que les savants les appellent al-awraq al-naqdiyya, les billets ou donc les monnaies, dollars, euros, etc. Voilà ce qu'on utilise aujourd'hui. Et cela rentre dans le même sujet. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on utilise pour acheter nos biens. Et la base, certains spécialistes dans l'économie, ils nous disent la base dans toutes les monnaies revient à l'or et l'argent. Ils nous disent la base dans toutes les monnaies revient à l'or et l'argent. Donc, à partir de là, si on a compris jusqu'ici, on arrive à un problème. J'ai de l'argent sur mon compte. Je dois sortir la zakat. Un an est passé, je dois sortir la zakat. Je regarde quel nisab, quelle valeur imposable. Est-ce que je regarde le nisab de l'or ou est-ce que je regarde le nisab de l'argent? Je regarde lequel? L'argent. Beaucoup de frères, beaucoup de personnes se base sur la zakat de l'or. On va faire le calcul. Si aujourd'hui, l'argent, sa valeur, elle est de 60 centimes par gramme, quel sera le nisab de l'argent? 350. Comment on fait? Donc le calcul, c'est quoi le calcul? Voilà, 60 centimes fois 595 grammes. Et ça nous donne 357. Et donc, si la personne a cette valeur-là d'argent chez elle, elle doit s'acquitter de l'aumône. D'accord? Et donc là, c'est concernant la zakat, c'est concernant l'aumône liée à l'argent. C'est-à-dire qu'une personne qui possède 357 euros sur son compte bancaire depuis un an, il lui est obligatoire de payer la zakat. si on se base sur le nisab, sur la valeur imposable de l'argent. Mais maintenant, si on se base sur l'or, quel sera notre calcul? Si on se base sur l'or, on prend par exemple que la valeur de l'or aujourd'hui, elle est de 56,20 € le gramme. Le gramme d'or est de 56,20 €. Comment je fais pour calculer ma zakat? Je multiplie par combien? Voilà, je multiplie par 85 grammes. Ça me donne... J'ai pas entendu. Voilà. Ça me donne 4777. Et donc, d'un côté, on a 4777 €. Et de l'autre côté, on a 357 €. Certaines personnes pensent que pour calculer la zakat, il faut forcément se baser sur l'or. Or, c'est faux. Il n'y a aucune preuve qui montre que dans la zakat, tu dois te baser sur l'or. Que sur l'or. Puisqu'on a dit qu'aujourd'hui, les monnaies qu'on utilise, elles remplacent l'or et l'argent. Elles remplacent les deux. La monnaie qu'on utilise remplace l'or et l'argent. Et donc, à partir de là, il est préférable que tu te bases sur l'aumône, sur le nisab de l'argent. À partir de là, il est préférable que tu te bases sur le nisab de l'argent. Et voilà ce que dit Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, ainsi que al-lajna da'ima. Okay? On a ici une fatwa sur ce sujet du comité permanent de la fatwa en Arabie Saoudite qui nous explique que ceci est mieux pour les pauvres. C'est mieux pour les pauvres qu'on se base sur la zakat liée à l'argent plutôt que la zakat liée à l'or, ou du moins la valeur, pour calculer le nisab. Barakallahu fikoum. Nous revenons donc aux fatwa de nos grands savants qui nous appellent, qui nous montrent clairement que concernant ce sujet, nous pouvons nous baser, et il est mieux de se baser, sur la valeur de l'argent que la valeur de l'or pour calculer notre aumône. Ensuite, concernant les chameaux. On va revenir, ne vous inquiétez pas, on va revenir sur la zakat de l'argent, incha'Allah ta'ala. Là, nous, on suit le hadith, et par la suite, bi'idhnillah, on va compléter notre apprentissage. Donc ici, avant de passer au chameau, on voit la définition qu'on avait vue. Qui me rappelle la définition de la zakat dans la législation? Il a déjà dit le morceau, ça. Et donc, c'est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une valeur spécifique qu'on va tirer d'un bien spécifique. Et donc là, on a vu plusieurs biens, on a vu l'argent, l'or, les différentes monnaies qu'on va utiliser. On a vu aussi un animal, le chameau qu'on a vu aujourd'hui. On a aussi vu, donc, dans ce hadith, on a tout ce qui représente les grains, ou alors, donc, par exemple, comme sujet d'unanimité chez les savants, on a le raisin sec. Le raisin sec qui est un sujet d'unanimité chez les savants de la communauté musulmane. Et donc, il y a plusieurs biens qui concernent la zakat. Donc le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala en s'acquittant d'une valeur précise qui est prise d'un bien précis à un moment précis au bout d'un an pour l'argent au bout d'un an, pour les animaux au bout d'un an et pour les grains, on verra par la suite incha'Allah ta'ala. Et donc, cette zakat est prise à un moment précis, d'une personne précise, le riche, c'est-à-dire celui qui détient le nisab, la valeur imposable. Et cette valeur, donc, qui va être donnée à une personne précise, le pauvre, ou celui qui est endetté. On a vu plusieurs exemples la dernière fois. Et donc là, on continue à compléter cette définition petit à petit. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est, on a vu des exemples de biens. Maintenant, on voit de quel bien. On commence à voir la zakat, elle aborde quel sujet, elle parle de quel type de bien. Voilà donc le sujet du hadith qu'on a vu aujourd'hui. Et donc, on a vu l'or, l'argent. Et maintenant, on passe aux animaux. En dessous de 5 chameaux, il n'y a pas de zakat. Ça, c'est simple. Alhamdoulilah. En dessous de 5 chameaux, il n'y a pas de zakat. Maintenant, concernant les grains. Concernant les grains. Alors, les savants, ils nous disent, rahimahumullah, que les savants sont unanimes. Il y a unanimité des savants. Concernant al-himta, le blé, al-sha'ir, l'orge, al-tamr, les dattes, ainsi que al-zabib, les raisins secs. Concernant ces quatre éléments, il y a unanimité. Mais est-ce que les autres éléments qui sortent de la terre rentrent dans ce sujet ? Divergence. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, il nous dit tout ce qui sort de la terre est concerné par la zakat. Tout ce qui sort de la terre est concerné par la zakat. Et donc là, on va faire rentrer dedans les fruits, les légumes. J'aimerais bien qu'on me dise, est-ce qu'une pastèque peut rentrer dans la zakat ? Et pourquoi ? Est-ce qu'une pastèque peut rentrer dans la zakat ? Normalement, cette question, elle est facile. Hein ? Voilà. La pastèque, elle ne peut pas rentrer dans un sac. La pastèque, avec... Donc, un moule, tu as du mal à prendre une pastèque. Comment tu fais pour, donc, la mesure ? Comment tu fais pour, donc, la mesurer ? Ou du moins, comment tu fais pour la faire rentrer dans un sac ? C'est pas possible. Donc la pastèque n'est pas concernée par la zakat. Et c'est là que certains savants vont nous dire, et ceci est l'avis le plus juste, tout ce qui peut être muktatan, donc consommé, et qui peut être donc gardé longtemps, comme provision, les provisions qu'on garde longtemps, pas les provisions qui vont périmer rapidement, etc. Donc on parle des provisions qui restent longtemps, les grains séchés. D'accord ? Et donc tout ce qui entre dans cela et qui peut être mesuré avec un sar, tout cela rentre dans la zakat. Et cet avis est l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, contrairement à l'avis de Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, bi'idhnillah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.